Bonjour, comme vient de le dire Antoine, je m'appelle Nabat. Donc voilà, vous avez bien entendu, hein, j'ai pas un nom très français. Donc voilà, je suis Cherokee de naissance de par ma mère. Donc je suis né dans le désert du Nevada pour ceux qui sont intéressés. Mon père était marocain-portugais. Donc on va dire que la violence par délit de faciès, je connais bien. Qui plus est, j'ai la malchance d'être anarchiste et donc du coup de défendre un peu mes idéaux. Je parlerai pas du quota, parce qu'on va pas faire discrimination positive, mais du quota de contrôle que j'essuie chaque jour quand je me balade dans la rue. Je pense qu'aujourd'hui c'est important de parler de violence policière. Notamment, pas forcément qu'en manifestation, hein, parce qu'on entend parler des manifestations pour, par exemple, Rémi, des choses comme ça sur les ZAD. Il y a aussi des gens comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, comme Théo ou Adama, qui n'étaient pas des manifestants, mais qui ont été vulgairement agressés parce qu'ils n'étaient pas blancs ou qu'ils n'étaient pas français. Là, on a un réel problème. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, on vit dans une société qui fait une déformation de pouvoir, c'est-à-dire qu'en gros, le service de défense publique, qui sont censés être la police et tout le reste, sont plus dans un rôle de défense publique, mais dans un rôle de défense politique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord avec les politiques actuelles, vous faites frapper. Vous êtes un peu trop libéral à leur idée, vous faites frapper. Vous correspondez pas à des critères bien définis, vous faites contrôler, voire déraper sur une matraque comme pour Théo, par exemple. C'est un peu brutal de parler de ça comme ça, mais je pense que je peux pas ne pas être brutal vis-à-vis de la brutalité même de cette agression-là. Donc moi-même, j'ai été victime de violences policières en manifestation et autres, même en garde à vue, où je me suis fait fracturer le mandibulaire gauche de la mâchoire à 6 reprises. Donc je vous dis, j'en ai pris pas mal en garde à vue. C'est pour ça que je prends à cœur ce sujet, parce que en tant que manifestant et en tant qu'anarchiste, je pourrais dire qu'il faut rendre le coup que tu prends. Mais à un moment donné, il faut se poser une réelle question. C'est-à-dire, quand tu frappes quelqu'un qui fait usage de violence envers toi, est-ce que tu frappes la bonne personne? Là est la question. C'est-à-dire que le policier, un jour, qui va déraper violemment vis-à-vis de toi, comme ça s'est passé avec Rémi, Théo ou Adama, il est fautif parce qu'il fait usage de violence et qu'il ôte la vie d'un individu ou même sans ôter la vie, il lui ôte la fierté. Là, je parle de Théo parce que c'est quand même grave. Le réel problème, c'est pas le policier qui va faire usage de violence parce que ça, c'est la violence, c'est un truc, c'est vieux comme le monde, ça fait partie de l'humain. Le problème, c'est que cette violence ne soit pas pénalisée. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on vit dans un système où un policier qui va violer un individu avec une matraque, il va prendre 3 mois de sursis. 3 mois de sursis, alors qu'un individu SDF qui va voler un paquet de pâtes pour manger, il a pris 4 ans de prison. Faut à un moment donné peut-être réviser le code des droits et l'importance des délits. Ce problème, il est tout simple en fait. Ça vient par. Je cherche un mot pour définir ça, mais j'en trouve pas d'autre que folie en fait. Le pouvoir entraîne à la folie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand un individu a accès à une source de pouvoir illimitée, comme là au jour d'aujourd'hui la police, ça ne peut entraîner que des dérapages. C'est obligatoire. Parce que la personne se dit, je suis à l'abri, je ne risque rien, je peux faire ce que j'ai envie. J'ai fait pas mal de manifestations. J'ai fait aussi des manifestations, par exemple, pour les réfugiés. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais il y a une Roumaine qui a été violée il y a quoi, 3 semaines de ça. Le policier, il a dit quoi? Il a dit oui, mais elle n'a pas de papier français. Donc pourquoi? T'es pas français, t'es sur le sol français, donc on ne risque rien en te faisant du mal. C'est pas normal. Je vais pas non plus parler de quand on a fait la manifestation pour la solidarité avec les réfugiés, de ce que j'ai vu qui m'a profondément choqué, c'est-à-dire des CRS qui arrachaient des enfants, des nourrissons, hein, des enfants en bas âge, des bras de leur mère, pour les parquer comme des animaux. C'est-à-dire que on fait une petite cage, on va mettre les mâles et les femelles ici, puis les rejetons par là. C'est quoi? On n'est pas des animaux. C'est pas à un moment donné parce que tu as un bout de plastique qui fait 3 grammes dans ta poche et qui est bleu que tu as plus de droits qu'un autre. On est des humains. Et là où il y a un réel problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne défend plus cette humanité, on défend cette appartenance à une citoyenneté ou à un état politique. Là, la solution, elle est compliquée parce que on peut se dire oui, faut condamner les flics et tout ça, mais non, ça sert à rien parce que tu vas condamner un flic, mais derrière, demain, il va y avoir un politique qui va revenir, qui va avoir la même optique que Valls ou autre et qui va recommencer ce cercle vicieux. Je pense que pour régler ce genre de problème, en fait, il faut rentrer dans une approche beaucoup plus personnelle. C'est-à-dire, il faut être capable d'analyser le système actuel, les défaillances du système actuel, pourquoi il y a ces défaillances et comment traiter ces défaillances. Ça me fait un peu penser, on va dire, à un schéma de traitement chimique. Hein, par exemple, les pompiers, quand ils font une intervention sur un lieu où il y a une contamination chimique, ils classent par trois couleurs, c'est-à-dire vert, jaune, rouge. Voilà. Et quand ils interviennent sur un accident, les blessés sont classés pareil, par un ordre vert, jaune, rouge, noir. Noir, c'est, il n'y a plus rien à faire. Moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'anarchiste, je me considère un peu comme pompier de ce système. Et malheureusement, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je mets une étiquette noire sur ce système, parce qu'il est plus sauvable. Ce système-là, en fait, il est tellement corrompu qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Ce qu'il faut, c'est être capable, en tant qu'humain, et même pas en tant que citoyen, en tant qu'humain appartenant à la Terre, d'être capable de s'organiser, de se réunir pour analyser, avancer, proposer. C'est-à-dire une assemblée d'individus de tout horizon, de toute religion, de toute culture, de toute opinion, qui sont capables d'échanger, de comprendre les opinions des autres et de faire des constructions, des propositions constructives par rapport à ça. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, au jour d'aujourd'hui, on crée une assemblée, 400 personnes d'horizons différents, comme je viens de le dire, qui se réunissent, qui disent, bah voilà, au jour d'aujourd'hui, on a un problème avec la police, bah on va faire comme dans les années 80 en Angleterre, où il y a eu la fameuse création de la Cops Milice. La Cops Milice, en fait, c'était des individus lambda, de tous horizons, comme ça, qui étaient dans des voitures et qui suivaient les patrouilles de police, et qui servaient de témoins ou de jury en cas d'agression. Parce que les années 80, fin de l'apartheid, Londres, on va dire qu'il y a eu pas mal de sang qui a coulé dans les fleuves. Hein. Ça s'est abandonné, mais je trouve que par exemple c'est une bonne idée parce que ça pourrait empêcher des individus de déraper. Parce que le policier qui va violer un individu ou le frapper dans un coin, quand il a une trentaine de mecs derrière qui le regardent comme ça et qui lui dit bah vas-y, fais ta bêtise, nous on est témoins, bah ça dissuade tout de suite un peu. Il peut y avoir d'autres propositions comme ça de tête, je vais pas m'amuser à toutes les faire parce que il y a des possibilités qui sont infinies. Mais on pourrait aussi, je sais pas moi, faire une constituante, genre au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est plus un président qui décide, les lois sont votées par le peuple, je sais pas, il y a des outils qui sont créés tous les jours avec des financements juste hallucinants et qui sont complètement inutiles. Hein, excusez-moi, hein, tu retires, je sais pas moi, juste 5 millions du budget d'armement mondial pour créer, je sais pas, un système de télécommande gratuit que tu offres à tous les citoyens d'un pays avec des notes, et puis voilà, quand tu fais une proposition de loi, les gens peuvent voter de chez eux la loi. Un truc décidé par le peuple, c'est peut-être un peu enfantin comme raisonnement, mais je pense que ça peut être une solution comme une autre. Après, je vais passer sur un autre sujet parce que sinon ce sujet-là peut être très long. Je vais être encore plus pointilleux sur la question de la violence, c'est-à-dire la violence justifiée. Alors, la violence justifiée, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, par exemple, un policier en manifestation qui va tirer un flashball et qui va rendre un enfant de 16 ans borgne toute sa vie, sous prétexte que le mec il portait un caouet noir, je sais pas, je l'ai vu, il était dans le groupe là, les mecs ils ont jeté des cailloux, j'ai tiré quoi. Ok. Ça, je trouve que c'est un peu neuneux comme raisonnement aussi, parce que, donc en gros, tu vois un mec que tu rentres dans un stéréotype. Et parce qu'il rentre dans ton stéréotype, tu peux te permettre de faire usage de violence envers lui. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que j'aimerais soulever une question importante, c'est-à-dire les violences dans les manifestations. On va parler du Black Bloc. Le Black Bloc, ce soi-disant groupe identitaire, comme l'a dit BFM TV, ça c'est très marrant, ou comme l'a dit BFM TV, qu'ils ont entendu des tirs d'AK-47 en marge de la manifestation. Enfin, je ne vais pas tout pointer parce que BFM, c'est vraiment un tissu de mensonges, un tissu de bêtises. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se permettre de jeter la pierre à l'un ou à l'autre? C'est-à-dire, là, je prends pas la défense des policiers ou des Black Blocs, je vais juste prendre une opinion neutre et objectif. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on peut reprocher à un CRS d'avoir tabassé un individu habillé en tant que Black Blocs, sous prétexte que l'individu habillé en tant que Black Blocs aurait cassé une vitrine ou été agressif verbalement? C'est une question dure, hein, parce que tout le monde a son opinion. Il y a ceux qui vont dire que oui, si t'es violent, forcément, il faut une réponse violente. Il y a ceux qui vont dire oui, mais quand on te frappe, tends l'autre joue. Puis il y a ceux qui vont dire oui, mais bon, la violence, elle est pas mesurée, elle est pas graduelle. C'est-à-dire qu'elle est pas à la hauteur de ce qu'il y a eu en face. Alors, j'aimerais bien faire partie de ces gens qui sont un peu simplés, de me dire oui, la police, ils font juste leur travail. Non, j'ai croisé beaucoup trop de gens au début des manifestations qui me disaient qu'il faut être pacifiste et je les ai recroisés 3-4 manifs après, c'était les premiers à acheter des parpaings. On va se poser des questions à un moment donné, il faut peut-être se demander pourquoi. Moi-même, de par ma culture et de par ma philosophie, je ne prends pas la violence. C'est un outil, certes, mais très dangereux qui peut nous amener à nous perdre sur le mauvais chemin. Ce n'est ni une solution et encore moins un moyen d'arriver à ses fins. Parce que, à un moment donné, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, si au jour d'aujourd'hui on a ce problème-là, on ne peut pas dire, voilà, bah, ça va durer toute notre vie comme ça. Parce que quand on va aller en manifestation, on va toujours y voir un mec qui va faire un dérapage. Et parce qu'il y a un mec qui dérape, on peut gazer toute une foule. Moi, je prends l'exemple de Nation. On a fait une manifestation là-bas. Tout le monde en a entendu parler. On s'est retrouvé nassé par les CRS. Ils nous ont poussé dans le métro. Métro qui n'était pas fermé, ceci dit. Qui était occupé par des citoyens qui passaient par là. Des gens qui n'étaient pas dans la manifestation. Quand je dis citoyens, je parle d'enfants, de femmes, de maris. Toutes ces choses-là. Et ces pauvres gens-là, quand on s'est fait nasser dans le métro, ils se sont fait gazer avec nous. Ça fait mal au cœur quand tu vois une mère qui est en train de suffoquer dans le lacrymogène parce que le seul mouchoir qu'elle a, ou écharpe, elle le met sur la bouche de son fils qui a juste 4 ans, qui est aussi gazé que les flics peuvent le juger. C'est-à-dire, voilà, bah, y a encore des manifestants qui bougent là-dedans, continuent à balancer le gaz. Les dommages collatéraux, c'est pas grave. C'est bien, mais faut pas oublier que les dommages collatéraux, parce que je veux pas faire d'amalgame, mais les généralités et les dommages collatéraux, c'est très tendancieux. Qu'est-ce qu'on appelle des dommages collatéraux? 4 hôpitaux bombardés avant de toucher une base terroriste? Genre, combien? 3 terroristes éliminés pour 600 civils? Je parle pas des enfants et des choses comme ça. Hein, à un moment donné, il faut réussir à centraliser un peu l'opposition. C'est-à-dire, il y a des flics qui sont bêtes. Hein, il faut tout pour faire un monde. Il y a des cons partout, mais absolument partout, aussi bien dans les manifestants que chez les flics. Il y a des flics qui sont gentils, mais il y a des manifestants qui le sont aussi. C'est pour ça que je disais que je vais pas prendre la pierre pour la jeter à Pierre-Paul Jacques ou défendre qui que ce soit. J'ai rencontré des gentils flics, comme j'en ai rencontré qui m'ont gentiment massacré la gueule à coups de gants coquets quand j'étais en garde à vue, notamment 18e dans l'Évangile. Ils sont spécialistes de ça, ils ont pas de caméras de surveillance dans les gardes à vue. C'est pour ça qu'ils emmènent tous les manifestants là-bas. J'ai aussi subi une bonne agression pour la manif internationale du 14 juin. J'ai fait 3 mois d'hôpital, 13 côtes cassées, une clavicule fêlée, la rotule démise. Voilà quoi. Pourquoi? Je sais pas. Je me suis juste fait attraper par un CRS qui m'a tiré. Et j'avais pas de masque, j'étais pas bien en noir. Je me suis pris 41 coups de tonfa. 41, ça fait mal. Et donc du coup... C'est ça qui nous amène au jour d'aujourd'hui à poser ce débat ici sur Stalingrad. C'est peut-on, oui ou non, justifier ou définir une violence comme étant utile ou justifiée? Qu'est-ce qui, en tant qu'individu, me permet à moi de me dire j'ai le droit de jeter un parpaing sur ce mec-là parce qu'il a frappé un mec devant moi à coup de matraque? Non, ça c'est un cercle vicieux. Parce qu'à un moment donné, ils ont frappé un gars avec une matraque, tu jettes un parpaing, tous les mecs qui sont devant, ils se font fracasser la gueule. Et si tu jettes ton parpaing et que tu te rates, tu peux aussi fracasser la gueule d'un mec que tu connais. À un moment donné, je pense que la réponse violente peut être justifiée, mais à une certaine limite. C'est-à-dire ne pas mettre en danger la situation d'autrui, la vie d'autrui, ou même sa condition physique. Ce que j'entends par là, c'est simple, c'est moi je vais me faire frapper à coup de matraque en manif, je demande à personne, mais absolument à personne, et la première personne que je verrai venir me chercher, je l'engueulerai, parce que je me dis que cette personne peut se faire frapper à cause de moi. Mais c'est un raisonnement qui devrait aussi y avoir des deux côtés. C'est-à-dire que le policier, à un moment donné, qui fait usage de violence, devrait se dire, peut-être que c'est à cause de moi que mes collègues se font frapper, même s'ils sont gentils. Parce que comme je frappe des gens en manifestation ou dans la rue, gratuitement, bah les gens, ils ont un peu la haine des gens comme moi. Voilà. Et ça, c'est une question qui, je pense, ne se pose plus du tout dans leurs locaux. Et voilà, quoi. D'ailleurs, on a essayé plusieurs fois de lancer des débats et de les inviter à discuter avec nous, ils n'ont jamais accepté. Donc c'est bien qu'il y a un refus de compréhension d'un côté, plus que de l'autre. Maintenant, ce que je viens de dire s'applique aussi aux manifestants. Faut que le gars qui se retrouve face à un CRS et qui va lui mettre un énorme taquet dans la tronche, se dise aussi qu'à un moment donné, peut-être qu'en faisant ça, il met en danger les gens autour de lui. Donc voilà. J'espère que quelqu'un qui aura entendu ça sera d'accord pour... rebondir un peu là-dessus. Nous-mêmes, j'allais les inviter, mais je vois qu'ils sont en pleine intervention, donc je vais pas les empêcher d'interpeller l'individu qui a sûrement été un peu trop arabe à leur goût. Merci Nabat. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui ont une intervention à faire sur ce qui a, sur ce qui a été dit concernant les policiers? Oui. Bonjour. Alors ça va être peut-être un peu long et décousu parce que je voulais réagir à plusieurs points que tu as soulevés et donner mon point de vue. Par exemple, je voulais commencer par dire il y a trois types de violences. Il y a une violence institutionnalisée, une violence de l'État, du gouvernement qui impose des lois contre le consentement du peuple et malgré ces manifestations et malgré ces mobilisations contre. Enfin, c'est un exemple tout simple, mais c'en est un qui explique ce genre de violence première, quoi. Ensuite, il y a la réponse de certains manifestants, voire même l'opposition dans la rue, qui peut être considérée comme juste le fait de bloquer une route, voilà, tout simplement, même de manière pacifiste, va être mal perçue de la part d'autres personnes parce que ah oui, mais quand même, vous prenez la France en otage, machin, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc une autre violence qui est une réponse à la première, en fait. Et ensuite, il y a une troisième violence qui est la violence répressive et qui justement. Ah ok. Qui justement répond à cette deuxième violence qui est une réponse à la première. Donc effectivement, il y a un cercle vicieux par rapport à ça. Et quand on interroge la cause de la seconde violence, on peut en arriver à celle de la première. Et inversement, la cause de la troisième est une réponse à la deuxième qui est une réponse à la première et qui va recommencer. Voilà, indéfiniment. Voilà, c'est ça. Bon, juste pour rebondir sur ce que tu disais, je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'argumentation par rapport à la violence sur est-ce que la violence est mesurée face à la réponse qu'on a en face. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, un gars qui bloque une route en manifestation mérite de se prendre des coups de matraque dans la tronche? Non, il n'est pas violent physiquement, il est là. À un moment donné, si on fait ces manifestations, c'est parce que on n'arrive plus à se faire entendre. Victor Hugo avait dit une phrase très belle, il avait dit « on écrit parce que plus personne ne nous écoute ». Donc c'est pour ça que je réponds à ce que tu disais, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'avais soulevé cette fameuse question du « est-ce qu'on peut justifier une violence physique face à une violence d'opposition ?» Totalement, et moi là-dessus je vais te donner un point de vue qui n'engage que moi. Effectivement, il y a, on peut dire, des mesures dans la violence, des violences qui sont plus symboliques et qui sont quand même graves, et des violences qui sont plus physiques, et qui, celles-là, dans tous les cas, doivent être complètement réinterroger, elles sont en réponse à quelque chose, donc ce qu'il faut interroger, c'est la cause et non pas la manière d'y répondre n'est pas forcément adéquate, autant pour un citoyen que pour un policier, enfin citoyen, un individu, que pour un policier, que pour un gouvernement, quoi. Il faut savoir mesurer, quoi, ce genre de choses et les impacts qu'elles vont avoir aussi. Après, je ne blâme certainement pas les manifestants qui, eux, ont quand même un certain ras-le-bol et qui répondent à quelque chose à force de pas être entendus. Ben, c'est normal que ça se... Enfin, c'est normal. En tout cas, ça, c'est un dérapage possible, quoi. Si on fait ce rassemblement demain par rapport à la dignité, par rapport aux violences policières et tout ça, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'on est dans une période où la fonction policière est une fonction extrêmement répressive et qui va pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, réprimer toute une masse par rapport à quelques individus et même réprimer toute une plus grosse masse par rapport à juste des manifestants qui seraient là. Moi et mon copain qui est pas là, on vient de Perpignan. Là-bas, ça se mobilise pas trop, les manifestations, c'est même pas une fois par mois, il se passe pas grand-chose, quoi. Mais on suit beaucoup ce qui se passe sur des périscopes différents dans différentes villes et on est tombé sur des choses qui sont assez choquante pour nous. Et notamment ce que tu disais des manifestants qui se font nasser dans un métro, nous on a vu ça en vidéo, quelqu'un qui filmait, et t'avais tout un cordon de CRS qui bloquait la sortie, et t'avais un petit groupe de manifestants qui du coup étaient empêchés, et t'avais des gens qui passaient au milieu et qui comprenaient pas ce qui se passe, et puis il y en a un qui a sorti une gazeuse pour aller disperser le groupe qui était en face d'eux, et c'est des gens lambda qui ont pris ça dans la gueule. Et c'est qu'un exemple simple. Après, on en a vu d'autres, effectivement, où on pousse les manifestants dans le métro pour les bloquer et pour gazer. C'est ça. Donc, ça, parce que je l'ai vu au moins deux fois. Il y a une fois où j'ai même entendu l'officier le préciser. C'est pas des violences qui sont forcément disproportionnées. Enfin, si, elles sont disproportionnées, elles nous paraissent disproportionnées, mais elles correspondent parfois, je dis pas toujours, je dis pas bien parfois, à une stratégie. Parce que dans ces manifs, il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois. Et l'idée, c'est de taper suffisamment fort pour les dégoûter de revenir une deuxième fois. Et j'ai vu ça à une manif où j'ai dû sortir de la manif parce qu'il fallait que j'aille préparer un autre truc sur la place de la République. Parce que la manif arrivait sur la place, donc je suis sorti de la manif, je suis parti faire mes trucs. Et en sortant de la manif, j'entends l'officier qui dit à ses hommes, au CRS, « Bon, encore deux minutes, on ferme et vous tapez pour casser. » Voilà, pas de commentaire. Pareil, sur une vidéo, nous on a entendu, il y avait des manifestants qui étaient pacifistes, je veux dire, il n'y avait pas encore eu de débordement ni quoi que ce soit, qui étaient nassés, et ils sont arrivés, certains, les mains levées devant les CRS pour leur dire, bon, regardez, on fait rien, il se passe rien, quoi, on est pacifistes, laissez-nous juste sortir, continuer notre truc, et ils se prenaient des coups de matraque ou machin, et puis j'en ai entendu un, ça a été enregistré, alors je ne sais plus quelle période c'est, parce qu'on en a tellement suivi, je ne sais pas si c'était en mars ou en avril dernier, qui... on voit un cordon de CRS qui reçoit un ordre en disant violence maximale, alors qu'il s'était rien passé avant, quoi. Et donc après, on s'étonne que ça parte en couille aussi, quoi. Il y a des réactions et des ordres qui sont complètement disproportionnés par rapport aux situations, quoi. Et effectivement, pour faire peur aux personnes qui pourraient venir une première fois ou qui sont là une première fois ou qui voient ça d'un point de vue extérieur en disant « Ouais, c'est dangereux d'aller s'opposer au gouvernement, d'aller s'opposer à des lois qui passent, c'est, ça craint, quoi. » Je vais faire une petite citation. Cette stratégie dite de l'apeurement de l'ennemi, hein, parce que là, c'est carrément une stratégie de guérilla, c'est vieux comme le monde, hein, comme l'a dit Lao Tzu. L'homme n'affronte pas l'orage. C'est-à-dire, à cette époque-là, il parlait pour le début des guerres où les mecs, ils ont découvert la poudre noire. Quand les gars sont arrivés pour envahir les pays asiatiques, ils ont vu la poudre noire et ils se sont dit merde, les gars, ils ont des dieux avec eux, quoi. Sauf que, voilà, le gros problème qu'il y a par rapport à cette stratégie, c'est que c'est une épée de Damoclès. Malheureusement, très souvent, très souvent mal maniée. Parce que dans cette solution-là, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, ou on tombe sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça, et puis qui n'a pas trop, on va dire, de raison d'être là, parce qu'il vient, parce qu'on l'a invité, et donc du coup, il veut regarder ce qui se passe, et en fin de compte, il se dit « non, je viendrai plus parce que c'est violent ». Puis il y a le mec qui vient dans cette manif parce que justement, il n'a plus rien à perdre, il se dit qu'il n'a plus de liberté, il n'a plus le droit d'expression, il n'a même plus le droit de se balader dans la rue avec des lacets rouges et jaunes sans se faire fracasser la gueule. Je sais de quoi je parle. Voilà quoi. Cette solution alternative, justement à l'apeurement, elle est encore plus violente, c'est-à-dire que l'individu qui va se frapper dessus, il va se dire à la prochaine manie, je vais venir, et puis je vais rendre coup pour coup. Et malheureusement, dans la balance de la conscience humaine, il y a plus de gens qui ont tendance à répondre à la violence par la violence, que des gens qui ont tendance à répondre à la violence par la philosophie. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce cercle vicieux, et à un moment donné, je pense que la stratégie visée n'est pas de faire peur, comme le disait Bruno, mais plutôt de donner la rage à ces gens, parce que ces gens qui vont avoir la rage et qui vont aller frapper leur donnent le droit, pas le droit, mais on va dire le casus belli, pour pouvoir justement répondre. Ils vont se dire, oui, ce mec-là, cette manif, il a été agressif, donc on le fracasse, mais ils vont pas se dire, à la manif d'avant, il s'est fait frapper, donc il a des circonstances atténuantes. Vice-versa, après... Deux secondes, je finis là-dessus. Là, je sais de quoi je parle, où quand j'ai été ma première garde à vue dans le 18e à l'Évangile, où on m'a réveillé gentiment en plein milieu de la nuit, parce que bon, comme on n'a pas d'appareil, je pourrais pas vous donner d'heure exacte, on m'a réveillé avec un genou sur la nuque et j'ai pris 6 coups de gant coqué dans la mâchoire. C'est ce qui a fini sur une fracture du mandibulaire. Bien évidemment, j'ai demandé à un médecin, on m'a dit non, je suis resté 46 heures dans le garde à vue avec la mâchoire fracturée. Je vous parle même pas de la douleur. Non plus du fait que quand on m'a ramené à manger, on m'a gentiment posé la gamelle devant la porte de la garde à vue sans me la donner. Ça c'est vraiment du sadisme, c'est grave. Et je voulais clôturer là-dessus pour bien préciser que quand je suis ressorti de la garde à vue et qu'on m'a demandé de faire ma déposition, j'ai précisé que je m'étais fait frapper dans la garde à vue. Le gars il a dit ok, il avait noté, mais quand j'ai signé la déposition, j'ai failli faire 48 heures de garde à vue parce que j'ai signalé au mec qu'il avait dit que je m'étais fait fracturer la mâchoire pendant l'interpellation suite à un refus d'obtempérer. Alors que j'ai bien précisé que je suis arrivé tranquillement et que je me suis fait fracturer la mâchoire dans la garde à vue. Pour revenir sur la stratégie actuelle, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, dans les manifs, ils faisaient plutôt ce qu'ils appelaient plus ou moins de la gestion des foules, c'est-à-dire que il y avait un encadrement policier, on surveillait, on empêchait certains débordements à coups lacrymogènes. Bon, il n'y avait pas encore les flashballs, les grenades de désencerclement, mais il y avait encore les grenades offensives. Mais ils laissaient toujours une issue de secours. un passage pour évacuer les foules. Aujourd'hui, il y a une différence qui est énorme qui s'est faite. C'est-à-dire qu'on nasse, on ferme, on bloque et on tape de tous les côtés. Et là, je ne sais plus des techniques policières, c'est des tactiques militaires. Et donc, on n'est plus des gens à gérer, on est des ennemis. Ça, c'est vraiment inquiétant. Et sur le fait que ce que tu disais, inciter certains à frapper pour justement avoir une raison supplémentaire de taper, moi je disais que c'était pour décourager. En fait, c'est peut-être probablement les deux. Comme ça, ils font le tri dans la population, ils font peur, et ceux qui n'ont pas peur, bah, on peut taper dessus. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je vais juste citer un petit exemple. Voilà, il y a Adèle qui était là, il y a Franck aussi que j'ai croisé à cette manifestation, et Bruno. Je parlerai évidemment de Bobigny. Bobigny, Pablo Picasso, pour ceux qui connaissent le rassemblement pacifiste pour Théo, et pour toutes les autres violences policières. Il y avait de tout, et les policiers au début nous ont laissé dialoguer jusqu'à un moment donné où il y a une petite partie de la foule qui s'est énervée. La réponse pacifiste, ça a été, et je le sais parce que j'ai fait partie de ces gens-là, de créer une délimitation humaine, c'est-à-dire physique, en créant une barrière entre les gens qui étaient là pour la manifestation pacifique et les groupes des banlieues environnantes qui ont dérapé très vite en voyant les forces de l'ordre. Pourtant, les CRS, quand ils ont gazé, la première grenade lacrymo, elle est tombée dans un cordon de foule qui était pas agressif. Et je citerai pas l'exemple ni le nom de mon ami, parce que je sais qu'il passe pas longtemps au tribunal lui aussi. J'ai quand même failli perdre un ami ce jour-là qui a un flashball qui a rasé sa tête. Je pense que Bruno pourra témoigner, il était témoin, je l'ai tiré de justesse. Surtout un flashball dirigé sur l'arrière de la tête. Et à ce moment-là, j'ai bien vu, et c'est ce qui m'a permis de réagir assez vite, l'officier qui tenait le flashball, parce que c'était un officier de barre, donc de barre argentée, monsieur le lieutenant des forces de l'ordre, donc qui est censé être un grade assez honorifique, avec un certain quota de dignité, c'est-à-dire savoir ce que t'es censé faire dans ton métier et pas déborder. Là, je parle en tant qu'ancien militaire. Ça, c'est très frustrant pour moi de voir un lieutenant de police être capable de faire ça. Malheureusement, j'aimerais bien dire que c'est une erreur qu'il a visée dans la foule et qu'il a tiré. Mais non, j'ai vu l'officier qui est à côté de lui, donc le lieutenant, taper sur son épaule et lui faire signe en le pointant du doigt pour qu'il tire sur lui. Je sais même pas quoi dire là-dessus, en fait, parce que je me demande soit je suis fou, soit ils sont fous. Là, c'est ça la question, en fait. Tu voulais parler ? Oui, je pense qu'on. Enfin, moi, j'ai aussi d'autres exemples que j'ai vus en caméra ou autre, parce que j'ai pas participé à beaucoup de manifestations, mais j'en ai suivi énormément. Notamment des photographes qui se font viser par les CRS, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport au gradé, machin, ben, alors, je sais pas, je connais un petit peu le code de déontologie, mais pas énormément, donc je sais pas vraiment, ça serait un peu abstrait, mais je crois bien que ce sont justement les gradés qui ont le droit de tirer. C'est pas n'importe qui est censé avoir cette arme-là. Donc, on sait que... Si ? Bon, alors, pour répondre à ta question, un petit cours pour ceux qui ne sont pas au courant, comme ça vous connaîtrez un peu mieux les règles de la police, parce que c'est à peu près les mêmes que l'armée. Les armes de répression, comme on les appelle, sont classées en trois catégories. C'est-à-dire les dispersives, les centralisées et les létales. Les dispersives, on retrouve notamment le gaz lacrymogène. Je parle du lacrymogène, pas des grenades B16 qu'on reçoit pendant les manifestations, qui sont une solution corrosive interdite normalement par les conventions de Genève. C'est pas d'ailleurs pour ça que les CRS ramassent les palais à la fin des manifestations et ne laissent pas traîner, et que si tu te fais contrôler avec, c'est comme si tu te faisais contrôler avec une arme à feu, en fait. Donc ça, c'est la première catégorie, donc il y a ça, le gel au poivre, toutes ces conneries là. En deuxième catégorie, donc dans les armes centralisées, il y a tout ce qui va être grenade de dispersion, parce que à un moment donné le choc est centralisé sur la zone où on lance. On va retrouver le flashball, notamment le célèbre flashball par son histoire funeste. Et d'autres types d'armes dont rien que le nom me ferait peur à citer, je citerai les grenades à plâtre qui sont censées être non létales mais qui sont tellement chargées que quand tu te les prends, t'es juste sourd pendant 4 jours. Après, il y a la troisième catégorie, celle que on n'a pas encore eu le malheur de tester en France, et j'espère que ça ne viendra pas. Par létale, il y a le canon à intrasons. Parce que sur une zone centralisée à effet permanent, c'est-à-dire que si on le laisse trop longtemps, tu peux détruire le cerveau humain par système d'ondes intrasonores qui te grillent juste les neurones. sans parler de la liquéfaction des organes, parce que c'est des ondes basses qui résonnent parmi les organismes. On a retrouvé aussi les grenades porcelaine, les grenades à fragmentation, les LDB, donc le lanceur de balles, comme on les appelle vulgairement, qui sont en fait des balles de caoutchouc qui peuvent à courte distance transpercer la chair humaine tellement c'est propulsé vite. C'est propulsé à 650 km/h. C'est juste énorme. Il y a énormément de choses comme ça. Et malheureusement, dans la réponse que je vais te donner, c'est que les premières et deuxièmes catégories sont accessibles à tout le monde. Même un stagiaire de la police peut avoir accès à un flashball. Il n'y a que les armes de catégorie 3 qui sont, on va dire, non répertoriées par rapport au grade, mais par rapport aux effets de service. C'est-à-dire qu'un individu qui a une certaine expérience des manifestations dans les forces de l'ordre, qui va faire, je sais pas moi... Je prends un exemple de l'armée, par exemple, pour avoir accès à une formation explosive des mineurs ou connaisseur EMI, donc engin explosif intermédiaire en français, il faut une expérience de minimum 3 mois en OPEX, donc opération extérieure. Et le grade n'a absolument rien à voir. Le grade a juste à voir en fait sur la possibilité de donner des ordres et d'interagir avec ces 10 individus qui, eux, manient les armes. Et c'est là où ça devient tout dangereux, parce que, pour répondre à ce que tu disais, un lieutenant de police... qui est lieutenant, donc il y a première classe, deuxième classe, lieutenant, lieutenant-chef, après il y a le sergent. Lieutenant, normalement, c'est un grade qui nécessite à peu près, pour passer les VMA, donc les classes de passage de grade, qui nécessite une expérience dans le domaine professionnel de 2 ans par grade. Donc si je compte bien, ça fait stagiaire, donc officier de police, première classe, deuxième classe, lieutenant. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ans minimum dans la police pour être lieutenant. 10 ans minimum dans la police, et ça permet quand même à un lieutenant de donner l'ordre à un individu de tirer au flashball sur un mec en tir descendant, donc en tir tendu, à une distance même pas de 20 mètres, je dirais même 10 mètres, même pas, sur une zone interdite, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle une zone vitale, donc l'arrière de la tête. Là, il y a un grave manquement à l'éthique professionnelle, parce que cet individu est censé connaître les risques justement de la condition de cette action de tir, et il est censé avoir une éthique professionnelle acquise au long de ses années d'expérience, lui permettant de juger oui ou non si la violence qu'il va autoriser est-elle justifiée ou non. Et à un moment donné, ce genre de violence n'est pas justifié. On ne peut pas se prétendre policier et viser à tuer ou à neutraliser au maximum un individu. C'est pas le rôle de la police, ça. D'accord, merci pour les précisions. Je pense que je vais donner le micro parce que du coup j'ai un peu perdu la suite de mes propos et de mon argumentaire. Donc qui est-ce qui veut parler, prendre la parole? Juste un petit truc. Voilà, juste pour rappeler qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la commune de 1871. Donc voilà. En fait, bon, je ne sais pas où vous en étiez, mais pour ce qui est... Alors, la commune, non, je ne pourrais pas en parler. Alors, ok, alors... effectivement, mais c'est une bonne chose d'en faire référence à la commune, parce qu'effectivement, c'est sa date d'anniversaire. Les violences policières, moi, je crois que c'est un problème de formation de la police, à la base, et aussi de la manière dont il procède, qui est essentiellement que sur la répression et uniquement là-dessus. Il n'y a aucun et aucune partage avec le citoyen, quel qu'il soit. Et pour beaucoup de citoyens, de toute façon, la police, c'est que de la répression. Ce sont des gens qui donnent des amendes, tu vois. Qui... voilà. Donc, en fait, je pense que le problème par rapport aux violences policières, c'est plutôt la police qui doit se poser la question de l'image qu'elle a et qu'elle donne aux gens et aux concitoyens, quoi. Voilà. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Pardon ? La fonction voilà, c'était ça que je voulais dire. Alors par contre, voilà, Elisabeth, par contre, sur la commune, oui. Si tu as des choses à nous dire et à nous apprendre, j'en suis certain même. Non, je sais pas. N'hésite pas. Oui, alors, c'est l'anniversaire de la commune de Paris, aujourd'hui même. La commune de Paris, ben, il faut peut-être y revenir, on va peut-être être obligé de la recréer, la commune de Paris. Pourquoi on va être obligé ? Ah ouais, il y a des élections, oui, c'est vrai ça. Il y a des élections, hein, 23 avril, premier tour, je ne sais plus quand le deuxième, là, au mois de mai. Vous avez vu la gueule de ceux qui se présentent? Vous avez vu les casseroles qu'ils ont au cul? Et puis alors, ils veulent notre pouvoir? Ah, on va donner notre pouvoir comme ça. On va leur faire confiance pour 5 ans, 6 ans. On va leur donner notre pouvoir à ces candidats. Ces candidats. Ah oui, parce que c'est juste des luttes de personnes maintenant. Il n'y a même plus de programme, c'est juste l'un contre l'autre. On va donner notre pouvoir. Et pourquoi on donne notre pouvoir? Pendant la Commune de Paris, vous savez comment ça se passait? Il y avait des assemblées générales, des citoyens, ils débattaient de ce qu'ils avaient à décider. Une fois qu'ils avaient pris une décision entre citoyens libres et égaux, ils avaient des mandataires. C'était pas des élus pour 6 ans, sans contrepartie, sans contrôle, à qui on donne tout notre pouvoir pour se faire baiser à sec, sans vagine. Hein. Non, c'était des mandataires sous contrôle de l'Assemblée populaire, citoyenne. Et bah, s'ils n'appliquaient pas ce qui avait été décidé, bah, ils étaient révoqués, c'est tout. Ils étaient sous contrôle permanent. On ne leur donnait pas un pouvoir indéfini comme ça, en disant merci après quand ils trahissent. Et pourquoi ils se gêneraient pour trahir? Ils sont élus pour 5 ou 6 ans, ils n'ont pas de compte à rendre. Le dol électoral, ça n'existe pas. Ils vous promettent une marchandise. Arrivés au pouvoir, ils vous en filent une autre. Pas mal avariée. Ils risquent rien, il n'y a pas de sanction. Hein? Pourquoi ils se gêneraient? Mais on est bien trop bêtes, la servitude volontaire, il avait 17 ans, la Boétie, quand il a écrit, mais enfin, pourquoi on donne notre pouvoir comme ça? Il suffirait juste de ne pas le donner. Ben, il suffirait juste, mais c'est juste un petit déclic qu'on doit avoir dans la tête. Arrêtons d'accepter cette servitude volontaire, de donner notre pouvoir pour 5 ou 6 ans à des gens qui s'en foutent complètement de notre gueule, qui pensent qu'à eux, qui se remplissent les poches, qui font la guerre partout, qui font que même tous nos enfants n'ont aucun avenir. Si ça continue comme ça, vous croyez qu'ils auront de l'air à respirer, nos gosses? Vous croyez qu'ils auront de l'eau à boire? Mais enfin, vous voyez pas ce qui se passe? On va les laisser décider comme ça de notre mort, de la mort de nos petits-enfants, combien de temps, à ceux qui se présentent comme candidats aux élections? Non, on veut des mandataires. La Commune de Paris, il faut relire son histoire. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres communes dans l'histoire. Des tas de gens se gèrent à un niveau plus restreint, peut-être local, mais de façon autogéré, ils gèrent ensemble les biens communs, les ressources communes, les décisions communes à prendre. Revenons à la commune de Paris, les communes du Moyen-Âge, les ZAD, les zones à défendre, comme Notre-Dame-des-Landes. Réapprenons à prendre notre pouvoir. Hein? Voilà, zone d'autonomie définie, voilà. Les zones où les gens sont libres et égaux et où ils décident de leur vie, de leur avenir, bah, c'est pas tout rose parce que peut-être qu'ils ont du mal à vivre, mais au moins ils se marchent pas dessus les uns sur les autres, ils font pas la guerre à tout le monde et ils ont pas des élus qui se remplissent les poches sur leur dos. Voilà, vive la Commune de Paris. Ouais, ouais. Voilà. Ouh, c'est bien ça. Mur par mur, pierre par pierre. Vous voulez faire une petite pause, hein? On fait une petite pause et puis après, Evelyne, tu nous feras ta présentation. Tu nous avais proposé un atelier sur l'autogouvernement et ces choses-là. Eh ben, on fait une petite pause et on pourra après continuer la discussion sur comment on peut s'autogouverner ou simplement développer notre autonomie face et puis assurer notre sécurité collective sans passer par les policiers qu'on se tape depuis trop longtemps. Merci.